1. Je m'en souviens encore. En 1967, cette année-là, j'étais dans la foule quand le général de Gaulle a prononcé cette phrase. « Vive le Québec libre !» Il était en visite officielle au Canada et il avait commencé par la province de Québec. C'était incroyable d'entendre ça prononcé par un président français. J'étais très content et le soir, j'ai fêté l'événement avec mes amis. 2. Ce jour-là, je regardais la télé et les journalistes ne parlaient que de l'abolition de la peine de mort en France. C'était en 1981. Je n'y croyais pas parce que la plupart des Français étaient pour la maintenir. J'étais fière de mon pays. 3. Je me souviens très bien du Nouvel An en 98. Je faisais la fête avec mes amis à Paris et on se demandait si les prix allaient augmenter avec l'arrivée de l'euro. On était inquiets. On se demandait comment on allait vivre alors. Et on était triste aussi de perdre notre monnaie.